Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Diane et je collectionne les légendes. Récemment, j'ai découvert celles de l'univers de Dipongo. Et vous savez quoi? Elles vont vraiment vous épater. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende de la valise magique. Dans un univers bien mystérieux et loin de tout, flottait un arbre enchanté, plus grand que notre planète, où vivait une multitude de petits aventuriers. Depuis tout Renardo, Edgar était bercé par les exploits des grands explorateurs. Et cela fit grandir en lui l'envie de partir à la découverte des coins les plus sinueux et les plus sombres de l'arbre-monde. Tous ses amis étaient aussi épatés par son ambition qu'effrayés par sa destination. Les endroits qu'il voulait explorer étaient peuplés d'ombres et de dangers. Mais Edgar était si déterminé qu'il arriva à réunir une troupe d'aventuriers. Ensemble, ils délivrèrent des lucioles de terribles araignées, explorèrent un donjon rempli de termites et découvrirent un champ de champignons magiques. Mais un explorateur aguerri n'est pas à l'abri d'une maladresse. Et c'est comme ça qu'un tout petit bout d'écorce mousseuse fit déraper Edgar pour une glissade vers les tréfonds de l'arbre. Le renard se retrouva seul, plongé dans le noir complet. Il n'entendait que le bruit de l'eau ruisseler en écho. Et puis, un souffle d'air léger vint lui chatouiller les moustaches. Il suivit sa trace et aperçut un halo lumineux. Il pressa le pas et, dans un recoin sombre, découvrit la source de cette lueur. Une drôle de boîte échouée, changeant de couleur, comme si elle n'arrivait pas à faire un choix. Une poignée et deux fermoirs dorés la décoraient. Était-ce l'un de ces fameux coffres au trésor dont Edgar avait tant entendu parler? Pour en avoir le cœur net, le renard s'approcha et dès qu'il posa une griffe sur la boîte, son clignotement s'arrêta net. Sur un bleu azur, sa couleur préférée. Épaté, il s'empressa de l'ouvrir et y découvrit un tas de photos d'endroits inconnus et incroyables, ainsi qu'une feuille, jaunie par le temps, où était inscrit un bien étrange message. Le monde est bien plus vaste qu'on ne le croit. S'il te vient un jour l'envie de l'explorer, cette valise pourrait bien t'aider, pour peu que tu trouves un moyen de la faire voler. Cette légende, c'est un tout petit aperçu de tout ce qu'offre l'univers de Dipongo. Si jamais elle t'a donné envie d'aider Edgar à explorer de nouvelles contrées, et si tu veux savoir comment cette valise pourra l'aider, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à tes parents de télécharger sur leur téléphone ou la tablette l'application Dipongo. D-I-P-O-N-G-O. Tu pourras vivre deux aventures avec Edgar gratuitement et en découvrir des tas d'autres en t'abonnant. Vous connaissez le podcast Chronique de l'intérieur ? Découvrez sans tarder cette fiction décomplexée qui libère la parole autour d'un sujet encore trop souvent tabou, le transit. On y suit Lou, une trentenaire dynamique. Le hic, c'est que Lou est constipée et ça lui gâche un peu la vie, partout, tout le temps. Suivez son quotidien drôle et touchant, entouré de ses amis, puis sa rencontre avec des experts qui nous éclairent sur le sujet. Chronique de l'intérieur, une série d'un genre nouveau, présentée par Épar, disponible sur votre application de podcast préférée et sur épar.fr.